Il en est, puis l'on est qui m'en sait les mêmes voyager. Et nous qui fait le tour du monde et salit nos yeux de la Joconde. Fini soleil et puis la lune qui m'en sait les mêmes naviguer. Cap sur les îles, les continents, traverser tous les océans. Menemale, en d'autres côtés. Moi c'est mène ou aller loin. Bacheya dans chanson moins. Naviguer, voyager loin. Bacheya bonti mélodie moins. Moi c'est mène ou aller loin. Bacheya dans chanson moins. Naviguer, voyager loin. Bacheya dans ti mélodie moins. Il n'y a tant de temps, trois temps qui m'en sait les mènes respirer. Quand il ben à Tahiti, va y ne mon nom et ben de mili. Il y a des lunes et des lunes que j'aimerais t'amener aux Amériques. Où malgré les conquistadors, il y reste encore quelques trésors. Puerto Rico, pour nous goûter salsa y warengo.